Cette semaine, dans le livret, eh bien, on est en résidence. Non, on n'est pas en résidence, mais on est en reportage à Saint-Laurent-des-Armes. J'ai découvert qu'il y avait là une association qui s'appelle Échangeur 22 et qui accueille des résidences d'artistes. Et Marie-Cécile de Bessac, c'est vous qui me faites découvrir ça. C'est une aventure folle. Moi, je ne sais pas pourquoi, hier, je vous disais, ça faisait 28 ans. En fait, ça fait 28 ans que vous habitez ici. Oui, ça fait 28 ans qu'on a la maison. Donc avant, j'étais architecte. Et puis, ça fait 7 ans uniquement qu'on accueille vraiment en résidence des artistes. Entre-temps, on est parti à l'étranger, plus d'une dizaine d'années, 11 ans. Et c'est pour ça qu'on accueille des artistes étrangers, notamment du Japon, du Brésil et de Corée. Si j'ai bien compris, vous avez commencé à voyager jeune parce que quand je vous ai parlé du Canada, en fait, votre papa était diplomate au Canada, hein, c'est oui, ça. C'est ça. Oui, j'ai beaucoup déménagé aussi. J'ai beaucoup déménagé aussi. Donc, oui, je suis née en Allemagne, j'ai vécu au Canada, à Ottawa, j'ai vécu à Madrid. Voilà, ouais. Mais c'est une question, c'est un truc de fou de démarrer une association de résidence d'artistes parce que ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, les artistes. Bon, d'accord, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais il faut en trouver pour pouvoir les accueillir dignement, leur donner quelque chose. Oui, ça, c'est une partie qui est très importante pour Échangeur 22. C'est la question de la rémunération des artistes. Souvent, je fais le parallèle d'une résidence d'artistes, qui est une résidence de recherche et de production, avec un laboratoire. Et quand j'explique aux gens que les artistes qui viennent ici sont payés, ils ouvrent tout grand leurs yeux parce que c'est le contraire à laquelle ils s'attendent, c'est que les artistes payent pour rester ici, une espèce de Airbnb pour artistes. Donc ça marche pas du tout comme ça. On ne demande pas aux chercheurs dans un laboratoire de payer leur séjour en laboratoire. On paye les chercheurs pour éventuellement chercher et éventuellement trouver. Donc c'est un peu le même principe. Il n'y a pas de création sans recherche. Ça n'existe pas. Et s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de collectionneur, il n'y a pas de grands événements d'art et de fêtes d'art, etc. Et peut-être il n'y a pas beaucoup moins de culture, forcément. Voilà. Donc, ça fait partie de l'éthique. Nous, on passe un temps fou à aller chercher. C'est pas la partie qu'on préfère. Non, sûrement pas. Aller chercher de l'argent. Et on est soutenu par la DRAC Occitanie, la région Occitanie, le département du Gard et la commune de Saint-Laurent-des-Arbres. Et après, quand on fait des interventions dans d'autres communes, il y a aussi des dispositifs qui sont, enfin, un fonds qui est libéré pour ça. Pour nous, ça a été pas évident d'expliquer aux communes que s'ils invitent des artistes, ils ne leur rendent pas service. C'est les artistes qui leur rendent service. C'est eux qui viennent proposer un plus sur leur territoire, une attraction culturelle, hein, je ne parle pas de divertissement, mais d'enrichissement. Et du coup, les artistes sont comme tous les autres êtres humains, ce sont des gens qui ont besoin d'argent pour vivre et qui doivent être rémunérés, et tout travail mérite salaire. Et donc c'est quand même ambitieux parce qu'on se dit, voilà, je m'embarque, parce que nous, avec une radio associative, le boulot bureaucratique qu'il y a derrière, il faut se le payer. Là. Mais vous, c'est pareil, en fait. Il faut que vous fassiez tout ça. C'est un apprentissage, hein. J'ai appris sur le tas. Moi, je suis arrivée en France, je ne savais pas quelles étaient les démarches. Alors bon, j'avais une idée en ayant été architecte de ce que pouvait être monter un projet. Et en fait, en allant voir les gens, les institutions, chaque institution, il y a des personnes derrière. En allant les voir, on a des interlocuteurs qui vous orientent, qui vous conseillent, qui vous testent, qui vous regardent, qui vous font confiance au fur et à mesure. Je pense qu'au bout de 7 ans, on peut dire que la structure est pérennisée. Maintenant, c'est toujours fragile parce que les associations, elles n'ont pas de visibilité. C'est tous les ans qu'elles doivent remettre leur copie et c'est tous les ans qu'on peut ou pas subventionner ou pas les projets. Je me sens un peu plus à l'aise, un peu plus dans la stabilité maintenant, mais c'est toujours une forme de précarité. Eh oui, c'est sûr. Quand on pense Van Gogh, enfin moi je me suis intéressée à la vie de Van Gogh, quand on voit les œuvres qu'ils ont faites et le prix que ça coûte aujourd'hui, si on veut en acquérir une œuvre, eh ben l'artiste, lui, il est mort de faim, en fait. C'est ça qui... C'est incroyable, en fait. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est tellement important de considérer non pas les artistes comme des gens bohèmes, mais de prendre conscience de leur courage, de leur engagement, de leur précarité et de toute cette mise à la marge que même si on ne comprend pas forcément ce qu'ils font, il faut déjà avoir de l'estime pour d'avoir le courage de le faire. Je pense que si je pouvais changer quelque chose auprès du public, ce serait au moins ça. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, j'aime bien l'idée d'accueillir le public et de venir voir comment les artistes travaillent. Du coup, la philosophie d'In Vivo, c'est exactement pareil. Hein, cette occupation qui aura lieu à Priory Saint-Pierre, là. Voilà, de montrer le quotidien de la création et ce que ça demande aux artistes. C'est pas... Et pourtant, hein, le budget n'est pas mirobolant, mais c'est cette gageure, je ne sais pas si ça se dit en français, la gageure, de miser sur le fait qu'on ne comprendra pas forcément l'œuvre, mais qu'on ait au moins compris l'engagement des artistes. Ça, ce serait déjà un grand succès pour nous. Au moment où on parle, on est dans ce que vous avez baptisé la cuisine d'hiver. Elle est plus couverte que celle d'été, mais là je vois des objets qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Voilà, déjà l'art c'est toujours de la cuisine. C'est vrai. Oui, effectivement, le frigo et le micro-ondes côtoient des tours de céramique et des étagères de pain de terre et de poterie en attente de four. Même si on a de l'espace, on a aussi envie que les artistes qui viennent souvent de loin en arrivant à Échangeur 22 aient le plus d'outils possible. Donc on a tout ce qu'il faut pour la céramique, on a un four, on a trois tours, tout ce qu'il faut pour la gravure, la sérigraphie, la photographie, voilà, tout ce type de matériel, ça me semble important, parce que d'abord les artistes n'ont pas toujours les moyens de les avoir, et puis aussi parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se les trimballer. Oui, c'est sûr. Donc voilà, ça permet aux gens de vraiment travailler. C'est de l'accueil, mais c'est aussi accueillir un projet avec tout ce que ça veut dire de production. Et donc l'artiste, quand il vient là, il reste combien de temps ? Alors, ça va de 6 semaines à quelques jours. Il y a plusieurs formats. C'est l'artiste qui définit le format ou c'est vous qui... Ça dépend, ça dépend. Annuellement, on a une résidence qui s'appelle Mobility, qui est vraiment bordée, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment 6 semaines avec 4 artistes français, japonais, coréens et brésiliens. Et qui se termine avec une restitution, une exposition à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon depuis 5 ans avec qui on travaille, avec bonheur et enchantement parce que le lieu est extraordinaire et l'équipe est super accueillante. Donc ça, c'est fait avec un jury, un appel à candidature, un dispositif. À quelle période de l'année ça se fait ? Alors, la résidence, c'est septembre-octobre et le vernissage correspond toujours aux journées d'architecture en fête à la Chartreuse. Et l'exposition continue souvent sur 2 ou 3 mois. Donc ça, on a les résidences dont on a parlé avec l'ESBAN, avec l'école d'art de Nîmes, qui sont aussi sur 6 semaines, avec un artiste jeune diplômé de Nîmes et un artiste confirmé international, et qui se termine aussi avec une restitution soit au Beaux-Arts, soit à la chapelle qui est en face. Et il va y avoir toute forme de résidence qui s'appelle les résidences ressources, qui sont plus courtes en consécutif, c'est-à-dire en jours... et semaines d'un seul trait, pas plus de 2 semaines, mais qui peuvent au final être plus longues parce que l'artiste va pouvoir venir avec une fréquence. Ça peut être 3 jours par mois, 1 semaine par mois. Et il peut laisser des choses sur place ? Non, on essaye d'éviter de... Mais effectivement, vous avez pu voir, il y a des œuvres d'un peu chacun. Mais oui, ceux qui vont revenir... dans les mois qui viennent, on essaye de garder leur travail en cours. Après, il y a aussi des travaux qui sont en attente de cuisson quand c'est de la céramique ou de séchage lorsque c'est de la peinture. Et ces artistes, c'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent à vous ? Alors, les artistes en résidence ressources, souvent c'est eux qui viennent à nous. Les artistes des autres formats, ça se fait sur appel à candidature, national et international. Qui décide ? Alors, il y a un jury dans ces cas-là. Il y a un jury, alors pour Mobility, on a convoqué une dizaine de commissaires d'exposition des 4 pays qui créent chacun un collège, qui font une shortlist. Wow. Et on assemble ça tous ensemble parce qu'il y a aussi un travail de collaboration entre commissaires et lieux à l'extérieur dans les 3 pays que j'ai nommés, le Brésil, la Corée et le Japon. Voilà, c'est un dispositif un peu compliqué qui demande énormément de travail. Et puis il y a, cette année, on a eu... 293 candidatures pour 4 places éligibles parce qu'on a dû recevoir quasiment 450 dossiers. Incroyable. Donc c'est un travail incroyable. Énorme. Ouais, c'est un on invite énorme. Les auditeurs à rester attentifs à tout ça. On se retrouve demain, Marie-Cécile de Bessac. Il reste encore une pièce à voir au rez-de-chaussée, j'ai bien compris. Oui, on va dans les bas-fonds. Allons-y.